Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Et salut Mathieu Berthelet. Bonjour. Alors, on est le 10 décembre 2018 et nous sommes aux Poches, un théâtre situé dans la vieille ville à Genève. Donc, il y a quelques semaines, Alessandra et moi, nous sommes venus ici voir la pièce « Au bord du bassin », écrite par Perrine Gérard et mise en scène par... La pièce, ça s'appelait « La largeur du bassin ». Ah, « La largeur du bassin », bon, bah voilà. Mais t'es pas là, c'est juste. Et puis, donc, « La largeur du bassin », une pièce écrite par Perrine Gérard et mise en scène par Lucille Carré. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir au micro Mathieu Berthelet, qui est directeur du Poche. Alors déjà, on va commencer par le béaba. Comment est-ce qu'on devient directeur d'un théâtre ? Ah, et ben pour devenir directeur de celui-ci, il y a une mise au concours. Oui, alors attends, on va peut-être dire... On n'est pas... Il y a un quatrième. Il y a un quatrième avec nous, donc Nietzsche, c'est Nietzsche, ça ? Nietzsche le chien, oui. Nietzsche le chien, donc voilà, ça le donne aussi des... Monsieur le chiot, on va dire. Il a encore la fourberie de son jeune âge et il veut participer à tout. Voilà. Alors, on devient directeur du Poche. Comme c'est un poste, on va dire, officiel, institutionnel, il y a une mise au concours pour lequel il faut déposer un dossier. Je ne sais pas si le dossier est conséquent, si ce qui est demandé, c'est conséquent. En tout cas, le dossier que j'avais écrit était assez conséquent. Et il était assez conséquent parce que j'y avais développé une mission très claire. Et c'est sur cette mission très claire que j'ai été choisi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont postulé, je crois. Et puis après, ça se passe en plusieurs tours. Il faut passer devant des commissions, il faut défendre son projet à chaque fois. Et de fois en fois, on doit définir son projet de plus en plus précisément. Et cette commission, elle est constituée de gens qui représentent la ville et le canton à l'époque, parce que les deux soutenaient financièrement le théâtre. Et il y avait aussi des artistes qui faisaient partie d'une commission de consultation. Donc, il y avait uniquement un avis consultatif qui avait un peu, on va dire, dépecé les dossiers, qui avait choisi ou on va dire, donner des prescriptions sur quel dossier leur paraissait le plus intéressant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la direction de ce théâtre il y a maintenant 5 ans. Alors, tu vas nous raconter un peu plus précisément cette mission, mais quand on fait un peu des recherches sur le net te concernant, ben, on voit que tu as quantité de cordes à ton arc, parce que, je crois, un début de carrière en tant que comédien, que tu non. as pas... Non, mon début de carrière, j'ai débuté comme auteur. Direct. Ouais. Enfin, comédien si tu veux, mais alors comédien amateur, hein, vraiment. Voilà. Ouais, si tu veux. À 8 ans, non ? Alors, oui, effectivement, t'as raison, t'as plus raison que moi, c'est vrai, à 8 ans, j'ai été comédien, ouais. Mais j'ai vraiment eu une pratique de plateau comme amateur. Après, plus tard, j'ai encore été au plateau, mais toujours d'une manière, je dirais, dilettante plutôt qu'amateur. J'ai jamais eu vraiment de formation ni comme acteur, ni comme danseur. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont accompagné dans ce travail-là, qui ont écrit des choses qui étaient toujours adaptées au fait que j'étais pas un pro, quoi. Donc, quand j'ai fait des solos de danse, c'est des chorégraphes qui ont écrit des solos pour moi, non danseur. Donc toujours un peu à l'endroit où moi j'étais capable de faire quelque chose. Ça m'a donné, c'était vraiment des chances parce que ça m'a permis de développer mes propres pratiques à moi, de faire des de sortir de mon champ de d'auteur. C'est quand même quelque chose de, je vais dire, d'assez sec, quoi, sans lien avec le corps, sans lien direct avec le public. T'es très loin quand t'es un auteur, en fait. Et c'est une des choses auxquelles je voulais répondre avec la direction du Poche. Quand tu es un auteur, tu es très loin de la réalité des spectateurs, tu es très loin de la réalité de fabrication du spectacle. Et c'est pour ça que j'avais eu cette envie de passer par la danse, par exemple, que j'avais envie de passer par la performance. Mais je me dis jamais acteur, parce qu'acteur, il faut quand même une sacrée formation que j'ai pas. Je suis incapable de dire des vers shakespeariens ou raciniens. Enfin, en tout cas, je pense pas avoir toutes les capacités de diction pour le faire. Ouais. D'accord. Mais bon, voilà, tu as été à la fois, tu as cofondé le master mise en scène à la Manufacture de Lausanne, co-responsable du département écriture dramaturgique. Dramatique. Ouais, dramatique. Ok. Ouais. À Lyon, à l'ENSAT. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'enseignant à l'Université de Louvain en Belgique. Non plus maintenant. Non ouais, plus. Ouais. Voilà, ça, c'était des étapes. Et puis, comme tu l'as relevé, danseur, donc, comme tu disais, un peu lier le corps à cette activité plus cérébrale de l'écriture. auteur. Ouais, ouais, parce que comme j'ai été auteur, puis qu'à un moment on m'a poussé à devenir metteur en scène, je pensais que le passage par le corps, mais vraiment le corps presque comme central, il fallait passer par la danse, quoi. C'était un peu comme, faut pas dire l'inverse, mais en tout cas le pendant absolu de quelqu'un qui est totalement dans la parole et le texte, c'était d'être totalement dans le corps et de passer par la danse. Et pour moi, ça a été à la fois extrêmement enrichissant, puis aussi totalement fondamental dans mon esthétique de metteur en scène. Maintenant, je fais de la mise en scène, et c'est évident qu'il y a d'un côté, je fais de la mise en scène de mes textes, puis de l'autre côté, je fais de la mise en scène des corps, qui est presque. Ça, voilà. C'était encore Nietzsche. De la mise en scène du corps qui est presque de la danse, en fait. C'est-à-dire que je demande aux acteurs d'avoir autant une partition du texte qu'une partition du corps. Ils doivent apprendre les deux, ils doivent être très fort dans les deux, et c'est très difficile de trouver des acteurs. C'est un peu une des questions aussi que je pose aux acteurs d'ici. C'est très difficile d'avoir ce lien entre le corps et le texte, quoi. C'est très rare de trouver des acteurs qui soient vraiment capables de tenir les deux au même niveau. Après, c'est peut-être aussi justement ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on fait quand même du théâtre, donc le texte est quand même un peu avant le corps, et de passer d'abord par l'apprentissage du texte ou par le travail sur le texte et ensuite sur le corps, où la réponse que j'y ai donnée quand je fais de la mise en scène, c'est que comme j'ai des acteurs qui sont très bons avec le texte, je prends très peu de temps pour travailler sur le texte, et par contre je prends beaucoup de temps pour travailler sur le corps quand c'est des acteurs. Oui, j'ai vu une interview où tu commençais déjà par placer l'aspect plus chorégraphique. Absolument, ouais, ouais. Et en leur demandant de s'abstenir de parler. Ouais, ouais, ouais, okay. Ouais, c'est quand on travaille avec des acteurs, ça me paraît essentiel, parce que s'ils ont tout de suite le travail sur le texte, c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer, puis c'est une évidence, alors que si on leur demande de d'abord s'appuyer sur le travail du corps et d'être extrêmement déstabilisé par ça, ça va les amener ailleurs. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus intéressante, parce que au théâtre, on voit toujours des acteurs qui travaillent le texte, qui ont l'intelligence du texte et qui font tout venir du texte. Du coup, si on inverse si on inverse le travail, puis qu'on dit non, c'est d'abord ton corps qui va parler, puis le texte viendra par-dessus, ça crée quelque chose de très très différent, de très dérangeant pour le spectateur, parce que le regard du spectateur qui vient voir du théâtre, il n'est pas du tout habitué à ça. Donc il se pose, ça crée un changement de paradigme. Et le changement de paradigme, pour moi, c'est en général le point central du travail, quoi. De toujours un peu perturber les habitudes du regard, perturber les habitudes, quoi. Que ce soit ton habitude de spectateur qui vient en théâtre, ton habitude de citoyen, ton habitude de te poser les questions. Et ça, c'est une des premières choses. C'est que quand un spectateur de théâtre vient voir un texte, en plus, je suis un auteur, donc tout le monde sait que je suis un auteur, je fais de la mise en scène, on se dit le texte, c'est en premier. Puis il arrive très, très souvent dans mes spectacles que le texte, t'as l'impression que tu l'entends même pas, quoi. Parce qu'il passe totalement derrière. Et c'est souvent très perturbant pour les gens de se dire, mais t'as écrit un texte, ou vous avez écrit un texte, et puis on n'entend pas les acteurs, ils sont dans des postures qui font que la voix les porte pas. Et ça, c'est effectivement très perturbant pour des spectateurs de théâtre ici. Alors, je voulais un peu, avant de justement rentrer un peu dans justement la particularité du poche, peut-être pour nos auditeurs et auditrices, et pour moi aussi, hein, savoir un peu qu'est-ce que fait en fait un directeur de théâtre. Je peux te dire ce que moi je fais. C'est chaque directeur de théâtre qui dirige son théâtre d'une manière différente. Alors d'aucuns diront que je fais tout et que je décide de tout, mais en fait concrètement je pense que je gère des décisions, ou je sais pas comment je peux dire ça, je gère des collèges de décisions. Nous, le premier ici, la première instance de décision, c'est ce qu'on appelle le comité de lecture. Donc mon travail, c'est de mettre en place ce comité de lecture, de lui amener les textes, et puis d'un peu gérer les discussions qui se font à l'intérieur de ce comité de lecture. Et il fait quoi, le comité de lecture? Il lit entre 300 et 400 textes par saison, pour ensuite opérer une sélection des textes qu'on va jouer. Donc sur les 300 ou 400 textes, il en retient une vingtaine ou une trentaine selon les années, et moi, à l'intérieur de cette trentaine, ensuite je vais faire la programmation. Et moi, c'est encore beaucoup, c'est jamais moi tout seul, c'est moi avec mon adjoint de direction qui choisissons les textes qui vont définitivement rentrer. Lui s'attache plus à l'idée de voir est-ce que potentiellement nous avons les moyens de faire tous ceux que j'ai envie de faire. Donc en général, moi j'ai des très très grosses envies, et puis lui, il me ramène aux réalités concrètes et budgétaires de ce théâtre, puis il élimine des choses, et c'est dans cette discussion-là qu'on arrive à construire la saison. Tout en disant que on va dire, la ligne principale ou la mission principale qu'il amène ici, c'est de monter le plus possible de textes contemporains. Donc le plus possible, ça ne veut pas dire de les bâcler et de faire qu'on entende le plus de paroles possible, c'est de trouver les moyens ou de mettre en place les moyens pour que ces textes se fassent entendre de la manière la plus juste possible. Donc c'est ça le travail qui vient ensuite après les choix du comité de lecture. Et ça, c'est un peu de mes tâches. Ensuite, quand ces choix des textes est opéré, c'est de choisir les metteurs en scène qui pourraient faire ces textes-là. Et puis là, on est très à l'écoute et des propositions du comité de lecture, mais aussi de toute l'équipe du Poche. On essaye d'être un espèce de collège démocratique. C'est quand même des gens qui ne sont pas forcément des gens de théâtre à l'origine, mais par le fait qu'ils travaillent ici, ils sont très à l'écoute de ce qui se passe dans la scène genevoise, ils vont voir beaucoup de spectacles, ils vont souvent voir des choses que moi, je n'ai pas le temps ou l'envie d'aller voir, et du coup, il y a des autres inputs sur les metteurs en scène potentiels. Et puis, dans la dernière instance, c'est de choisir les acteurs qui vont jouer ces textes-là. Puis là aussi, on essaie d'être le plus ouvert possible. Par exemple, pour la saison qui se passe maintenant, dans laquelle on a un ensemble fixe sur quasiment toute la saison, on a procédé à un vote à l'intérieur de l'équipe sur qui tous les gens de l'équipe avaient envie de voir sur un plateau, en se disant aussi, c'est une chose qui est rare et qui n'existe pas tellement dans les autres théâtres, c'est des acteurs qui sont avec nous, donc qui sont quasiment des employés fixes pour une année. C'est donc des acteurs qu'on avait envie de côtoyer pendant toute une saison avec nous, qui participent à la vie du théâtre, qui s'impliquent dans la vie du théâtre. Donc c'était à la fois des bons acteurs, des acteurs, comment on peut dire ça, je ne veux pas dire malléables, mais en tout cas qui soient capables de jouer beaucoup de choses différentes, puis aussi des gens avec qui on avait envie de partager de la vie quotidienne, parce que je pense que dans une troupe, c'est très important d'être un bon acteur, mais c'est aussi très important d'être un bon camarade et d'avoir envie de s'engager dans ce projet-là qui est quand même très particulier. Mmh. Parce que chaque année, il y a une même troupe qui va... Alors, ou c'est spécial à cette saison 2018-2019. C'était la première fois qu'on le faisait sur la durée de toute une saison au Poche. Les saisons précédentes, on l'avait déjà fait, mais on avait plutôt eu deux troupes par saison, donc une troupe par demi-saison. Et puis cette année, parce que l'opportunité se présentait par rapport au texte qu'on avait choisi, on a décidé de radicaliser la proposition et de dire, plutôt que de faire deux demi-troupes, on va en faire une entière pour toute la saison. Préciser, donc, pour la saison 2018-2019, il y a un ensemble, vraiment une troupe qui a été donc, mise en place ici au Théâtre du Poche. Mm-hmm. Et puis la saison s'appelle aussi Ensemble. Donc quelque part, ça... On avait appelé les premières saisons 1, 2, 3. Parce que ça faisait sens. Et puis celle-ci, sur la 4, tout d'un coup, on s'est dit, si on faisait une saison ensemble, parce que troupe, en allemand, ça se dit un ensemble. Puis on s'est dit, ce serait vraiment bien de créer un endroit, parce qu'on pensait que cette troupe, ça pouvait aussi vraiment être un lien entre la cité et le théâtre, parce que la cité, les habitants de Genève peuvent se reconnaître dans une troupe de théâtre qui serait la leur. Un peu comme... tu te reconnais dans ton équipe de foot, tu te reconnais dans ton équipe de hockey, tu peux te reconnaître dans ton conseil municipal ou pas, mais il y a une espèce de lien qui se crée comme ça dans la durée. Oui, puis ça fait aussi sens dans le mot même de ensemble, venir, enfin de faire ou consommer du théâtre ensemble. Absolument, je sais pas vraiment, mais c'est vraiment, j'ai l'impression aussi que ici au Poche, vous avez une attention particulière à ça. Mais avant de rentrer peut-être là-dedans, parler un peu plus généralement du Poche et quelle est sa particularité. Donc c'est, ce que j'ai compris, le seul théâtre en Suisse romande et même dans la francophonie européenne qui soit entièrement consacré à l'écriture contemporaine. Mm-hmm. Donc les pièces qu'on peut voir ici, ce sont des textes qui... viennent d'être écrits et puis qui n'ont pas été joués ailleurs. Ah ouais, alors la règle, c'est la règle minimale, c'est jamais jouer en Suisse romande. Et puis après, selon les spectacles, on est plus ou moins généraliste. Par exemple, il y a des textes qui sont joués pour la première fois en français, quand c'est la première fois qu'ils sont joués en traduction française. Il y a des textes dont c'est réellement la création. Il y a un texte qu'on présente cette saison, un texte canadien qui est joué pour la première fois en Europe. Il a déjà été créé au Canada en français. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter des textes que les spectateurs d'ici ne connaissent pas, et puis que les spectateurs en Europe en général ne connaissent pas, et puis que des fois les spectateurs dans l'univers ne connaissent pas, parce qu'on est les premiers à les jouer. Ouais. Mais ça, c'était ça faisait partie de ton projet, justement ? Ça faisait partie de mon projet, tout en disant que, en vrai, c'est la création et l'acte fondateur du Poche, c'était ça. Le Poche, il a 75 ans, il a 70 ans, et il a été créé comme un espèce de une revendication contre ou un pendant à la comédie, parce que la comédie de Genève, qui existait à l'époque depuis une trentaine d'années, on jouait que des classiques, donc que des classiques, c'est un C'est vrai. Puis on jouait aussi des pièces, ce qu'on appelle du boulevard, ou ce qu'aujourd'hui on appellerait un peu péjorativement du théâtre privé. Donc des pièces un peu bourgeoises, comme ça. Et le Poche a été créé pour donner une voix et faire entendre des écritures contemporaines à l'époque. Donc contemporain, c'est jamais à l'époque, mais contemporain de ce moment-là. Et c'était la première pièce qu'on a jouée, c'était une pièce de Jean-Paul Sartre au moment même où elle venait d'être écrite. On a joué La Putain Respectueuse. Donc le point de départ, c'était de jouer des auteurs contemporain. Et puis, au fur et à mesure des années, définir ce que ça veut dire auteur contemporain, c'est toujours très subtil, quoi. Ça peut, certains vont dire que Beckett est un contemporain, d'autres vont dire que Tchekhov est un contemporain. Moi, je dis qu'un contemporain, c'est quelqu'un qui vit en même temps que toi, quoi. Oui, parce que on avait un peu discuté de la pièce La largeur du bassin, ouais. Et puis on discutait du fait, donc c'est dans le cadre d'une piscine, une équipe de nageuses de natation synchronisée qui vont être confrontées au regard du personnel masculin de cette piscine et de voir quelles sont les influences de ce regard, non seulement dans la relation entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes, d'une sorte de compétition qui va se mettre en place entre elles. Et puis, tu nous racontais que ce texte avait été écrit finalement avant la vague MeToo, donc de prise de parole de toutes ces femmes qui dénonçaient des questions de harcèlement, de rapport de pouvoir... désastreux. Et puis tu disais qu'il y avait, ça, on ne se souvenait plus si on avait bien compris, il y avait une réécriture de la fin de la pièce suite à ces bouleversements sociétaux. En fait, la jeune auteure, elle a écrit ça bien avant que tout d'un coup ça devienne quelque chose dont on parle vraiment. Donc les questions qui sont abordées dans la pièce te paraissent super actuelles. Évidemment, elles sont toujours extrêmement actuelles, mais la pièce, elle a été écrite il y a 5 ans, je pense. Donc quand cette jeune auteure, elle s'empare de ce sujet-là, elle s'empare de quelque chose de vraiment... tabou, secret, dont personne parle, et donc la pièce se termine très mal, en tout cas dans l'écriture. Très jeune fille qui est au cœur de ce harcèlement, autant par les hommes que par les filles finalement, finit noyée dans la piscine. Et puis ça paraissait très difficile aujourd'hui, a posteriori du mouvement MeToo, où les femmes justement ont pris une forme de pouvoir en dénonçant la chose, de se terminer aussi sur cette même note négative. Ce serait un peu aujourd'hui de dire si tu prends la parole, finalement la seule chance que tu as, c'est de finir noyé au fond d'une piscine. Ça paraissait difficile, et du coup autant l'auteur qui a écrit la pièce se serait dit aujourd'hui je l'aurais écrit autrement. Et du coup l'opportunité de mettre la pièce au plateau, ça a questionné la metteuse en scène, qui a essayé de trouver une manière sans dégrader ou sans transformer trop la pièce, de donner une autre fin à la pièce. Après, il faut dire que c'est une pièce qui est écrite dans une langue très poétique, donc faut vraiment la lire plusieurs fois et il faut lire Lélie Ascali voir que concrètement c'est écrit dans la pièce qu'effectivement le personnage principal meurt noyé dans le bassin. Ça s'entend moins en entendant le texte, et puis en voyant le spectacle, ça reste tout aussi ouvert, ça reste très poétique, métaphorique, allégorique la fin. Tu peux demander à n'importe quel spectateur, ils ont tous vu autre chose à la fin, entre une sirène échouée, une jeune femme qui se relève, quelqu'un qui sort de la piscine simplement comme si rien ne s'était passé. Il y a beaucoup beaucoup de manières de lire la fin, mais c'était important aussi justement de laisser la fin ouverte pour que chacun puisse l'interpréter comme il veut, et non pas aussi radicalement fermé, pessimiste que c'était dans le texte. Ce qui me paraît juste, comme ça, a priori, quand tu rappelles la situation d'il y a 5 ans en arrière, puis que tu avais effectivement personne qui parlait de ce... Enfin, le sujet était là, on en parlait, mais c'était pas la vague MeToo ou Balance ton porc ou peu importe, comme ça l'est maintenant. Quoi. Donc c'est intéressant de voir comme c'est une sorte d'injonction du contemporain, ultra contemporain, en fait, qui fait passer le il y a 5 ans pour peut-être. Pour du passé. pour une étape précédente. Mais ça, justement, on avait aussi réfléchi. Enfin, ça me fait penser qu'on avait discuté de ça, ce que je vais dire maintenant avec Alessandra. C'est que toi, tu avais fait le choix, il me semble que c'était la saison 2015-2016, de produire ici uniquement des textes d'autrices. Et puis, ça aussi, en fait, de faire ça en 2015, à mon avis, c'est pas du tout la même chose que si tu l'aurais fait aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, en 2015, je pense que l'attention médiatique que connaît les questions de genre, les questions d'égalité entre femmes et hommes, aujourd'hui, elle n'existait pas vraiment, ou elle était toute naissante. Aussi, l'intérêt du public pour ces questions commençait peut-être à naître. mais qui n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi... Oui, comment tu as construit, d'où est venue cette préoccupation, en fait, cette ligne éditoriale, on pourrait dire, hein? Je ne saurais même pas dire comment c'est venu la première année, mais moi, ça me paraissait... en Suisse romande, effectivement, ce n'était pas tellement... Il y a 2015, ça fait déjà 4 saisons. Enfin, c'était la première saison, nous, on est à la 4e. Je crois qu'on commençait à peine à entendre parler de collectifs comme La Barbe en France, des collectifs qui interrogeaient la représentation des femmes, mais surtout dans la direction des théâtres, moins sur les plateaux, tous ces trucs comme Où sont les femmes, des choses comme ça. Moi, ça me... déjà, j'en entendais beaucoup parler. Et puis, après, je... honnêtement, et c'est l'endroit qui est assez... c'est en vrai, si t'es honnête et si t'es droit et que tu représentes ce qui s'écrit aujourd'hui, ce qui se pense aujourd'hui, qui fait du théâtre aujourd'hui, c'est inadmissible de pas avoir une majorité de femmes au plateau. Nous, on en est arrivé là, c'est que en fait, l'issue, la sortie des textes du premier comité de lecture, il y avait pas une absolue omniprésence des femmes, mais il y avait une très très grande majorité de femmes. Puis on était, je sais pas, on a présenté 11 textes, il devait y en avoir dans les 15 premiers, il devait y en avoir 10, donc 3 quarts, 2 tiers qui étaient des textes de femmes. Donc c'était pas si difficile de se dire, bon ben allez, faisons un grand coup, la première saison on va mettre que des femmes, et on a des textes qui étaient peut-être mieux placés d'hommes, on s'est dit, bon, on les fera la saison suivante. Ce qui fait qu'effectivement, la première saison, on était 100% femmes. La deuxième saison, du coup, on était peut-être à 2/3 d'hommes pour compenser un peu les textes qu'on n'avait pas présentés la première saison. Mais on avait compensé en mettant plus de metteurs en scène, du coup. C'est vraiment pas difficile. Hein. Nous, on oublie de se vanter du fait qu'on a toujours une majorité de femmes dans nos programmations, parce que c'est évident. C'est un reflet de ce qui s'écrit, quoi. La majorité des auteurs qui écrivent du théâtre aujourd'hui sont des femmes, la majorité des jeunes, des gens qui sortent des écoles, je te parle pas des acteurs, parce que les acteurs sont toujours, on laisse rentrer autant de femmes que d'hommes, parce que c'est comme ça, mais dans toutes les autres sections, tu vas avoir de la peine de trouver une majorité d'hommes. Dans toutes les même les sections techniques, hein, le son, la lumière, la scénographie, c'est une majorité de femmes. Ce qui paraît très étonnant, mais il y a vraiment plus de techniciens son femmes qui sortent des écoles, plus de régisseurs son, plus de régisseurs plateau femmes. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'ENSAT, c'était assez flagrant, quoi. La seule section où il y avait un peu plus d'hommes, c'était en costume. Voilà, ça c'est des choses. J'ai dirigé pendant 3 ans, j'y étais pendant 9 ans à la section des auteurs dramatiques. Il y avait 2/3 de femmes tout le temps. Et il y avait même, en général, plus que 2/3, il devait y avoir 80% de candidatures femmes, et on repêchait des hommes parce que ça nous semblait important d'avoir des hommes dans les classes aussi. Donc c'était, comment on appelle ça, cette espèce de discrimination, elle était totalement inversée, parce qu'on ne voulait pas avoir des classes totalement femmes, quoi. On se pensait que c'était toujours important d'avoir un ou deux garçons dans la classe, quoi. Puis ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un peu une recherche sur les théâtres, les directions des théâtres genevois, parce que voilà, un des problèmes, c'est aussi à quel échelon hiérarchique, on trouve des femmes, et puis en général, elles disparaissent plus on grimpe. Puis en fait, finalement, à Genève, c'est assez mixte. J'ai intégré le théâtre des marionnettes à Amsterdam, mais il y a 10 femes, 6 hommes, bon, parfois en co-direction, mais voilà, c'était un peu une découverte pour moi de voir qu'il y avait, tu as pris la place d'une femme. Absolument. Le point de départ de l'idée, c'était en me disant, je prends la place d'une femme à la direction, je programme la première saison que des femmes parmi les auteurs, Mais justement, pour en revenir aussi, parce que moi je projette un peu dans une responsabilité de direction, de donner un peu une visée, tu vois, générale, et puis c'est la deuxième partie du titre de la saison, c'est faire bouger les lignes. Est-ce que toi, comment tu pourrais parler de la spécificité de ton regard ? On sent à travers tout ce que tu dis qu'il y a des préoccupations politiques, mais voilà, est-ce que c'est un terme que tu reprends ? Est-ce que... Dans le sens où pour moi, si faire du théâtre, c'est pas faire du divertissement. Ça veut pas dire que je veux faire du théâtre chiant et qui emmerde tout le monde. Le théâtre qu'on fait, il peut être tout à fait amusant et tout à fait. On a des pièces drôles, on a des pièces comiques, mais même quand c'est des pièces comiques, elles servent pas uniquement à être drôles, quoi. Elles servent à faire bouger les lignes. Ça veut surtout poser une question sur le regard que tu portes sur les choses, quoi. De se dire, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. N'importe quel spectateur, si pour moi un spectateur il sort de la salle, tiens, en disant j'avais pas pensé à ça, ça me suffit, quoi. C'est le résultat minimum. Je veux pas qu'il sorte avec un avis préconçu, mais je veux qu'ils sortent en tout cas en se disant j'avais pas vu les choses comme ça, ou ah je pensais pas que ça pouvait être comme ça, ou peu importe. Ça c'est la chose la plus importante, et pour moi c'est à ça que ça doit servir le théâtre. Le théâtre, c'est un, comme on fait des pièces contemporaines qui ont des sujets contemporains qui parlent de questions d'aujourd'hui, c'est une manière d'observer le monde que tu vois pas forcément aux nouvelles, quoi. C'est plein de subjectivités différentes. Tu vois, t'as un auteur, t'as une metteur en scène, t'as des acteurs, puis tous ces gens déjà ils ont chacun leur point de vue sur le spectacle, sur le sujet du spectacle dont ils parlent. Donc ça me paraît très très difficile de dire qu'à la fin tu vas sortir avec une seule idée préconçue sur ce qui se passe. Ouais, mais justement moi je me, enfin parce que je trouve que voilà, aux poches il y a vraiment, si on parcourt par exemple votre site internet, c'est très clair qu'il y a un engagement, qu'il y a voilà aussi une posture, notamment par rapport aux questions de genre. Mais justement comment est-ce qu'on sensibilise, ou plutôt comment est-ce qu'on éveille la curiosité sans faire donneur de leçons? Ben nous, on fait que de déranger, en fait. Et puis, je me rends compte qu'on dérange vraiment à beaucoup, beaucoup de niveaux. Puis, déranger, ça veut dire que... Parce que vous avez eu des retours aussi. Non, mais tu vois, nous, on dérange déjà rien que par le simple fait. C'est extrêmement dérangeant pour un spectateur de lire une adresse qui dit « Venez toutes aux poches ». Oui, alors là, il faut qu'on explique aux auditeurs et auditrices que donc depuis deux ans maintenant... Ouais, ouais. Le théâtre a fait le choix de féminiser les textes de communication, donc le programme est au féminin générique, tout comme les textes aussi sur le site, voilà, tout. Ouais. Bah, c'est hyper... ce qui est très amusant, c'est que c'est même les femmes sont très perturbées. Parce qu'elle se dit, mais ça veut dire que c'est que pour les femmes ce théâtre. Enfin, il y a beaucoup de ça. On se dit, oh, mais ils ont fait plein de fautes d'orthographe, plein de fautes de grammaire. Et c'est à cet endroit-là que déjà, en lisant, t'es dérangé. Ça te sort de ton quotidien. Enfin, t'as l'habitude de lire des textes et puis de jamais te poser de questions. Puis là, tu peux pas t'empêcher en disant, ah, mais j'avais jamais remarqué que, ou j'avais jamais pensé à ça. Et puis, on trouve ça plutôt amusant, puis on est tout à fait conscient du fait qu'en amusant, on interroge des trucs et puis on dérange. On casse un peu les bibliothèques bien rangées dans la tête de tout le monde, de comment les choses elles devraient être. Nous, c'est super amusant aussi parce qu'on n'arrête pas de se contrôler les uns les autres, parce que c'est hyper difficile à tenir au quotidien. On est tellement habitué que c'est assez amusant de se rendre compte à quel point on est tellement habitué puis que ça passait inaperçu, quoi. Et ça, c'est une étape, c'est pensé comme une étape où... Bah, il n'y a plus tellement d'étapes après, quoi. Si tu veux, quand tu as mis tout au féminin, l'étape d'après, ce serait de passer, mais je trouve que c'est nettement moins beau de trouver cet endroit où, en fait, il y a plus de... je crois qu'on appelle ça le langage épicène, tout en n'étant pas très clair sur ce que c'est le langage épicène, c'est quand tu... si tu utilises que des mots qui n'ont aucun genre, tu dis le public plutôt que les spectateurs, mais déjà, le public, c'est masculin, donc... Oui, je trouve que ça dérange moins, quoi. Ça interroge moins, ça passe plus inaperçu. Ouais. Mais on pourrait se dire que c'est vrai que c'est une des tentatives aussi. Alors, c'est soit de féminiser tous les termes qui sont déroulés une première fois au masculin. Alors, c'est vrai que ça peut parfois alourdir le texte. Ouais. Et puis, c'est aussi de se questionner sur le besoin de sexuer la parole. Et que parfois, on peut justement trouver des modus échappatoires pour un peu sortir de cette bicatégorisation des mots. Totalement. Mais je pense que ça interrogera le spectateur, la personne qui lit ce genre de texte où il n'y a plus de genre, le remarque moins que si tu dis « chère toute », c'est plus dérangeant que si tu dis « cher public ». Mmh. Puis même cher public, c'est quand même un genre. En français, on n'a pas de genre neutre, donc forcément où les gens qui écrivent plutôt que de dire les auteurs, les gens, pour moi, ça sonne pas du tout féminin, quoi. Ouais. C'est encore un espèce de terme comme les hommes qui écrivent ou les humains qui écrivent. Je trouve que c'est beaucoup plus masculin que de dire chères écrivaines, chers auteurs, pardon, écrivaines j'aime pas non plus, mais chers auteurs. On dit autrices maintenant, les personnes concernées se sont beaucoup mobilisées ces derniers mois pour mettre en avant le terme d'autrice, qui est historique, en fait. Absolument, une fois de plus. Mais peut-être qu'au-delà de trouver une solution à la bicatégorisation, ce que vous faites, c'est aussi que vous montrez que c'est un choix, en fait. Le langage, c'est aussi vraiment beaucoup de choix, et puis qu'on a le droit de jouer avec, et que ça va pas... Enfin, ça va peut-être venir déranger, mais ça va pas, on va toujours comprendre en fait. Absolument. Une des grandes références, on va dire philosophiquement, dramaturgiquement du travail, c'est Enzo Corman, un auteur français avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps, qui parle beaucoup de la question de l'assemblée théâtrale, et puis qui a une super belle métaphore de à quoi sert le théâtre. Le théâtre, c'est cette fameuse histoire du sage qui montre la lune et de l'idiot qui regarde le doigt. Le théâtre, il n'est pas là pour dire la lune, les problèmes de genre et tout ça. Le théâtre, il est là pour être ce doigt. Et quand tu dis chère toute, bah, t'es le doigt qui pointe le fait qu'on a un problème sur la question de genre. Tu dis pas la question du genre, tu poses la question et tu déranges et tu permets au spectateur de se sentir un peu remis en question. Puis en disant chère toute, chère spectatrice, cher comité de lectrices, vous sentez-vous toutes invitées, venez nombreuses, tu remets pas en question le fait qu'il y a un problème dans la société sur le genre, tu remets juste en question que pourquoi on parle comme ça, quoi. Puis pourquoi on parle comme ça, bah ça soulève beaucoup de questions auxquelles nous on propose pas les réponses, on pose juste la question, on dérange les gens pour qu'ils essayent de se ranger autrement après, quoi. Parce que finalement, là, alors c'est très présent voilà, sur le site, sur votre dynamique de produire ces textes contemporains, avec l'idée de laisser une trace de notre temps. Alors finalement, raconte-nous, comment il va notre temps? Qu'est-ce que racontent ces textes d'aujourd'hui? J'aimerais beaucoup pouvoir dire que Le Poche a fait ce travail-là de dire quel était notre temps, mais il faudrait que tous les théâtres de toute la Suisse romande produisent en permanence des textes contemporains pour qu'on puisse dire quel est notre temps. Enfin, il y a tellement de... Chacun des auteurs qui écrivent ont juste le temps et l'ambition d'aborder un tout petit aspect du monde contemporain dans lequel on vit, quoi. Saison en saison, on essaie de placer le focus sur quelque chose spécifiquement. C'est hyper... Autant la société, elle est tellement énorme, différente, il y a tellement de problématiques, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons de théâtre pour en brosser un portrait, quoi. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que les auteurs contemporains, ils sont à fond là-dedans, quoi. C'est les gens qui vivent maintenant, ils n'arrivent pas à écrire un texte sans être en prise directe avec le monde dans lequel ils vivent, quoi. Que ce soit sur les formes ou sur les thématiques. Bon, je trouve qu'on peut quand même dire qu'il n'y a pas d'auteur qui écrit sans être dans... Enfin, quelque part, on ne peut pas écrire quelque chose d'être complètement extérieur à sa société. Si. Je trouve qu'il y en a plein qui le font. Après, peut-être pas des textes que tu vois, mais moi, des textes que je lis, qu'on ne fait pas forcément, hein, parce que parmi les textes qu'on présente, on en présente une dizaine, on en a lu 400, ça veut dire qu'il y en a 390 auxquels tu n'as pas accès, et que là-dedans, tu peux voir beaucoup, beaucoup de textes. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes qui se montent. C'est pas parce que tu parles d'une thématique d'aujourd'hui que t'es en lien avec aujourd'hui, c'est-à-dire la simple... Non, ça c'est vrai, mais par contre, si tu écris quelque chose, tu es quand même un point de vue situé. Ouais, donc, mais tu peux tout à fait... Ce que tu peux lire dans un texte, c'est aussi le fait que tu refuses de prendre position par rapport à ça. Donc oui, tu peux effectivement catégoriser le refus comme aussi une prise de parole par rapport à l'époque, mais c'est pas prendre en main le sujet, quoi. C'est un peu... Ça c'est vrai, ouais. Un peu un espèce de regard dégoûté par rapport à la situation, quoi. Ou genre, c'est beaucoup trop cru et beaucoup trop bas pour moi que je veuille m'en occuper, quoi. Après, tu peux avoir des échappées poétiques qui sont aussi une manière très symbolique de prendre prise sur le réel, hein, de transmuter le réel en quelque chose de super poétique. Ça, c'est une vraie prise sur le réel. Mais juste d'avoir un espèce de regard d'écouté ou juste d'être dans la représentation du réel, je suis pas sûr que t'as une vraie prise sur le réel. Une prise sur le réel, c'est quand même... d'une certaine manière, le saisir avec un point de vue, le détourner, le tordre, l'interroger, le transmuter, faire quelque chose avec. Quoi. Faire corps. Des fois, faire corps, c'est non, mais presque... ça peut être aussi dans le repousser. Hein, mais... Ouais, mais je dirais pas faire corps, c'est très compliqué faire corps, je trouve. Parce que c'est... des fois, si tu fais trop corps avec la réalité... tu perds une forme de distance critique, puis là tu peux tomber par exemple tout le théâtre documentaire. Moi je trouve que ça pose beaucoup de questions. C'est quoi le théâtre documentaire? Théâtre documentaire, il y a plein de versions, c'est-à-dire tu peux faire jouer à des acteurs des choses vraies, mais vraiment vraies. Refaire un procès par exemple. Refaire un procès, mais en jouant vraiment tu peux faire pire ou mieux, ou j'en sais rien, c'est-à-dire vraiment faire le procès en faisant revenir le vrai juge, le vrai avocat, le vrai condamné, puis refaire le procès, une vraie représentation du réel. Mais justement, il y a représentation, le propre du théâtre, c'est de ne pas être le réel. Et pour moi, c'est vraiment une question de départ. Ce qui fait que c'est du théâtre, c'est justement que c'est pas vrai, quoi. si ça devient vrai, c'est comme un, c'est une trahison du pacte initial du théâtre, parce que les spectateurs qui viennent au théâtre, ils s'asseyent dans la salle en disant, et en fermant les yeux, ou peu importe, en disant, ok, on va tous faire semblant d'y croire. Mais si dès le départ tu te dis, et que le postulat de départ, c'est de dire, non, non, c'est vrai, bah, c'est plus du théâtre, c'est autre chose, c'est un musée. En fait, c'est le contraire du théâtre, c'est du musée, quoi. Dans le musée, tu vas voir des choses vraies. Si tu vas voir, si tu vas dans un deuxième Louvre, puis que tu vois une fausse Joconde, t'es complètement déçu. Tu vas voir pour voir la vraie Joconde. Bah ouais, c'est un peu. Tout se discute en mer. Non, mais je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi, mais toute sa question des artefacts et des copies, c'est hyper intéressant. Le théâtre est un artefact et c'est ça qui fait sa force, quoi. Oui, oui, c'est clair. Non, mais est-ce qu'on rentre dans cette discussion ou pas? Parce que. Ouais, enfin, je vois pas en quoi le théâtre documentaire. Bon, maintenant, je dois dire, j'en ai jamais vu, mais dans le sens, est-ce que. Enfin, le spectateur ou la spectatrice, est-ce que ils y vont en se disant je vais voir ce qui est réel ou je vais voir une représentation du réel, parce qu'une fois que la chose est reproduite ou produite sur scène, elle est de toute façon plus réelle. Enfin, c'est comme quand on voit, enfin, pas mettre ici à comparer le théâtre et le cinéma, mais quand on voit ces films based on a true story, on sait bien que ce n'est pas il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, enfin, ou peut-être que oui. Mais c'est vraiment, c'est la question pour moi qui est assez fondamentale et vraiment intéressante, quoi. C'est-à-dire de quel est le, si tu veux, un des points de départ, c'est le réel est beaucoup trop sidérant et ça t'empêche de penser, ou ça évite de penser. Alors que si tu te dis bon bah c'est pas vrai et je mets en place le processus de pensée qui me dit bon c'est pas vrai mais je vais faire semblant d'y croire, tu mets en place un processus de réflexion qui fait que ensuite tu peux penser d'autres choses, alors que si tu es sur le réel, bah t'es collé en disant ah c'est vraiment atroce, et ça t'évite de, ça évite ou ça t'empêche de passer à l'étape suivante qui est de dire c'est pas intéressant de montrer que la situation est atroce. Ce qui est intéressant, c'est de dire oui la situation est atroce mais elle pourrait être autre. Et elle pourrait autre parce que tu t'y engages et que tu fais quelque chose. Et si tu évites cet engagement dès le départ parce que ce que tu montres est la réalité, puis que du coup t'es dans cet effet de sidération, ça veut dire que tu ne fais plus rien. Puis c'est ça un peu le problème, c'est que si t'es tellement horrifié, sidéré, c'est quand même pétrifié par la situation, tu n'agis plus. Et puis la force du théâtre, en tout cas celle à laquelle moi je crois, c'est qu'elle va déclencher un processus de réflexion. Et puis t'auras beaucoup de peine à déclencher ce processus de réflexion si c'est « Ah, oh, c'est vraiment horrible ». Mais on va continuer à parler de, de comment regarder le théâtre, parce que moi, voilà, j'ai un aveu à faire et que je vais formuler comme ça. Donc, j'ai une montre que j'aime beaucoup et elle est toute simple, mais elle a une fonction qui est géniale. Il y a un petit bouton en haut à gauche du cadran et quand on appuie dessus, il y a une vague lumière verte qui s'allume et qui permet de voir l'heure même quand on est dans le noir dans une salle de spectacle et sans déranger les autres, ou en tout cas sans trop déranger. Et voilà, c'est vrai, moi et Alessandra peut en témoigner parce qu'on a été quelques fois au théâtre ensemble. Je dois dire que je m'ennuie souvent au théâtre. Au bout de 45 minutes, non ouais, je pense que c'est même presque une demi-heure. Je dirais que souvent, c'est une demi-heure. Parce que j'ai vraiment ce. Voilà, ça, je trouve. J'ai une impatience. Et justement, hier, j'ai regardé un sketch d'une comédienne londonienne qui s'appelle Sarah Pasquet, qui parle justement de ça. Donc elle part, enfin son sketch part du, elle part du constat que c'est important en fait de s'accepter soi-même et de reconnaître qui on est. Et puis donc elle avoue à son public qu'elle n'aime pas l'art et que la forme artistique qu'elle aborde le plus, c'est le théâtre. Parce que voilà, au théâtre, on est coincé dans une salle sombre à regarder une pièce qu'on comprend souvent pas. En tout cas, c'est mon cas, qu'on n'arrive pas vraiment voilà à se mettre dedans. Et puis surtout, on est habité par ce sentiment de détresse, de ne pas savoir combien de temps il reste encore. Et voilà, elle se plaint de pas pouvoir regarder son attel. Et voilà, je me reconnaissais aussi dans ses propos, mais je me suis dit, bah, il faut que j'en profite aujourd'hui pour te poser la question, parce que moi, aujourd'hui, j'identifie deux options pour moi. C'est que soit j'admets que j'aime pas le théâtre et j'y vais plus, et je l'écarte de mon existence, soit j'essaye d'apprendre à aimer le théâtre. Et c'est là, en fait, que je me demandais, est-ce que toi, tu as des conseils pour apprendre à aimer aller au théâtre? Ben, deux choses. Moi, il m'arrive de m'ennuyer au bout de 3 minutes de spectacle, et puis je sais que ça va durer encore 1h57, donc c'est encore pire. Ensuite, ici aux poches, on annonce dès le début du spectacle combien de temps ça va durer. Puis ça, je sais que c'est très rassurant pour beaucoup de spectateurs. Ah non, mais ça, c'est génial parce que sur les billets de spectacle, il y a jamais ou très rarement la durée. Ouais, non, ici, il n'y a pas, mais ici, elle est écrite sur ta feuille de salle, elle est écrite à l'entrée du théâtre, parce que ça a un effet de raccourcissement du temps. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui est, je crois, vraiment le point de départ, et c'est le. C'est pas vrai, je crois qu'il y a beaucoup d'art auquel on sous-entend ça. On a l'impression qu'il faut tout comprendre au théâtre, et ça, c'est le premier problème. C'est faux, déjà, un, qu'on peut tout comprendre. Deuxio, c'est pas vrai qu'on peut rien comprendre. Et troisio, on peut comprendre ce qu'on veut. Et puis, il n'y a pas une maîtresse qui a, enfin, un enseignant, un prof ou ce que tu veux à la sortie de la salle qui va te faire passer un oral et te dire si oui ou non t'as bien compris le spectacle. Le propre d'un spectacle, puis c'est un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que chacun peut le comprendre comme il veut. Et puis l'endroit que nous on trouve le plus important, c'est que tout le monde comprenne différemment et qu'ils aient envie d'en débattre et d'en discuter à la sortie du spectacle. Pour nous, ça c'est les spectacles les plus réussis. C'est les gens au sort de la salle, les gens sortent de la salle, ils sont pas d'accord et c'est là que commence vraiment le spectacle. Parce que c'est exactement ce que je dis, hein, c'est si c'est pour représenter le réel tel qu'il est, on n'a rien gagné. Par contre, si c'est représenter le réel tel qu'il pourrait être, tel qu'il devrait être, ou comment on pourrait le faire, là, ça devient intéressant. Mais il n'y a pas de, il y a ni obligation de comprendre, il y a peut-être une obligation de ressentir, de se laisser emporter, mais c'est parce qu'on t'a dit qu'au théâtre, que le théâtre était une machine, comment ils appellent ça déjà, un outil pour moraliser les masses ou un truc comme ça. Moi, je vois pas le théâtre, je vois pas, c'est pas un outil pour moraliser ou conscientiser les masses. Peut-être pour conscientiser les masses ou en tout cas pour éveiller leur attention et puis enfin les réveiller quoi. Ça c'est le point de départ du théâtre. Pour moi, c'est pas laisser les gens s'endormir. Après, tu peux t'ennuyer d'ennui, mais moi je trouve l'ennui au théâtre un peu plus amusant que l'ennui au cinéma, quoi, parce que je peux compter les projecteurs, je peux regarder la couleur de la cravate du comédien, si elle a sorti aux chaussettes, je me mets à compter combien il y a de femmes dans la salle, puis en général c'est une grande majorité, combien il reste de sièges vides, enfin je peux beaucoup m'occuper pendant l'heure 57 qui reste après les 3 minutes où j'ai compris que j'allais m'ennuyer, quoi. Ouais. Ouais, il faudrait que j'apprenne à respirer et compter, voilà, c'est peut-être ça. Non, mais c'est ça, moi, il y a juste quelques mots dans ce que vous échangez. Attention, respirer, t'as dit téléphone. Moi, je trouve complètement que ça devient presque un peu anachronique quand je vois, parce que c'est ça en fait, il y a un lâcher-prise quand on est dans une salle de spectacle. Voilà, tu peux pas sortir. Tu te rappelles, nous on s'est trouvés coincés 3 heures. Non, mais c'était Alessandra pas... m'a amené à un spectacle une fois. Je tais le nom de l'endroit à Genève où on a été voir. 3 heures le spectacle. 3 heures. Non, mais j'avais envie de me tailler les veines. Ça, c'était vraiment violent. Moi, j'en ai vu de 4 où j'ai pas senti une fois mes fesses. Enfin, tout est relatif. Ah mais j'entends. Il faut vraiment lâcher le fait qu'on est là, qu'on va pas pouvoir zapper. Il y a pas d'échappatoire pendant, alors si on sait le temps, tant mieux, mais ça demande quelque chose qui est assez anachronique par rapport au rapport qu'on a à avoir tout le temps une supra suprême, ouais. Oui, de choisir, d'être tout le temps très excité, d'avoir tout le temps plusieurs informations qui nous viennent en même temps. Ça commence à être un sport de combat presque physique, hein, à lâcher. Je voyais que tu proposais du yoga dans la pièce Lux Calme. C'est presque une méditation dans laquelle il faut rentrer, et je me demande si c'est pas aussi tout un défi de continuer à proposer cette manière-là. Ce que tu dis est absolument juste. Puis l'autre endroit, c'est aussi un des derniers endroits où des gens s'asseyent ensemble pour faire une chose en commun au même moment, puis regarder dans la même direction. Et puis pourtant, on regarde tous le même truc, et puis on sortirait quand même tous de la salle sans être d'accord sur tout, quoi. Tu trouves que les costumes sont pas bien, l'actrice finalement elle est vraiment moins bonne que ce que t'avais vu hier, ou voilà. Il y a un vrai endroit de débat, puis ça je pense que c'est un endroit qu'il faut qu'on protège, faut qu'on fasse super. Il y a une vraie volonté de la société de nous individualiser, de nous diviser pour mieux régner, peu importe. Et c'est un des derniers endroits de résistance, à part le match de foot, quoi, finalement, ou la manif. Il y a très très peu d'endroits où on se retrouve ensemble pour faire une chose en commun. Même tout si c'est juste de... pour avoir tous hein, ce sentiment de détresse. Mais ouais, mais ce sentiment de détresse en commun, c'est peut-être mieux que le sentiment de détresse seul à la maison sur ton canapé, quoi. Tout le monde parle de méditation de pleine conscience ou j'en sais rien, mais c'est quand même t'amener encore à faire un truc tout seul à la maison, quoi. Il y a une vraie volonté de la société à te pousser à faire des trucs tout seul. Dans l'idée générale, comme, enfin, au point de départ, la méditation de pleine conscience, ça se fait quand même pas seul à la maison. Mais là, t'as ton application sur ton téléphone qui te dit respirer deux secondes seul à la maison, inspirer en regardant le ballon. Tout ça est pour te pousser à rester tout seul, quoi. Il y a une vraie volonté qui se cache là derrière, et puis je pense que le théâtre est une cellule de résistance à ça, quoi, et que c'est dommage de pas en profiter, même si c'est pour s'énerver. Bah, s'énerver ensemble, c'est quand même très rare, quoi. Si tu t'énerves devant une série Netflix parce qu'elle est chiante, t'écris comment on appelle ça, un flux sur Twitter ou ce que tu veux, mais, pff, mais et tu alors, zappes, quoi. C'est ouais. Juste le truc, tu zappes, ouais, hein. Mais ouais. Tu regardes quand même une autre série sur Netflix, donc tu leur fais quand même gagner de l'argent, quoi. Mais comment tu sens les publics aujourd'hui, c'est parce que là vous avez aussi toute une offre dans le théâtre qui est de labo critique, d'ateliers réflexifs, tout ça. Oui, c'est ça, parce ouais. Que justement, enfin, il y a quand même cette idée que on peut apprendre à regarder. À regarder, ouais. Et vous faites aussi tout un travail de médiation. C'est une manière de justement de susciter ce débat, c'est-à-dire que ce qui existe plus, c'est cette manière de parler après ou avant les spectacles. Donc nous, on a mis en place des instances où ça a lieu, le comité de spectatrices qui vient tous les dimanches de général voir le spectacle. Puis on a remarqué que c'est un sacré boulot de faire parler les gens. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude et que leurs paroles soient prises en compte, qu'on les écoute, qu'on échange. Puis là, c'est pas seulement de les écouter en disant « oui, je vous ai entendu », comme font certains politiciens. C'est non, on échange, on trouve ça hyper enrichissant. Puis eux-mêmes, ils ont compris aussi. Il y a un truc très gênant, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, « j'ai pas compris ». C'est hyper gênant de nos jours de dire « j'ai pas compris ». Ou alors tu dis, comme pour un reproche définitif, « j'ai rien compris ». Puis c'est le reproche définitif, c'est de la faute du spectacle, il est nul ou vraiment c'est trop con, tout ça. C'est un endroit très très étrange, c'est très étrange que j'ai pas compris, ce soit un problème, une question, alors que d'avouer qu'on n'a pas compris, mais d'avoir l'ambition de dépasser ce j'ai pas compris. Puis tu sais, c'est ce que disait toujours, c'est ce que disait ma mère quand elle voyait des spectacles que je faisais, elle commençait par dire j'ai pas compris, puis après on a pris la chose à l'envers, je dis non c'est pas vrai, tu n'as pas tout compris, t'as compris quelque chose, puis en partant de ce qu'on a compris, on se rend compte que t'avais compris tout ce qu'il y avait ouais. À comprendre. Non, mais plus, ça, quoi. Justement, je suis assez d'accord. Parce que ça peut être très chouette de prendre une pièce, mais aussi un objet quelconque et de créer une discussion autour. Mm-hmm. Ça, c'est toujours intéressant. Mm-hmm. Ça, c'est toujours super. Et du coup, c'est évidemment, le théâtre là est vraiment bien. Parce que, comme tu disais avant, c'est un endroit où on regarde ensemble. Bon, le temps file. Alessandra, à toi la dernière question, parce que je suis désolée, je t'ai coupé la parole avant. Non, mais c'était... quels sont les défis maintenant, tu vois, est-ce que pour par exemple le théâtre du Poche ou la culture en général, est-ce que c'est des aspects financiers qui sont de plus en plus ardus? Est-ce que c'est d'attirer du monde? Comment tu sens les choses? C'est tout ça. C'est tout. C'est tout ça. Pour nous, c'est, je pense, de démocratiser ce qu'on fait. On a un énorme travail à faire parce que pendant très très longtemps, j'en sais rien, le théâtre contemporain, le théâtre d'auteur, le théâtre de texte, a un espèce de cachet. Ah, mais j'y comprends rien, c'est élitaire, c'est intellectuel, je veux rien comprendre. Donc on doit, tous ces préjugés que tu sous-entends, c'est les préjugés qu'on doit détruire. Donc on essaie d'être, je vais dire le mot, on essaie presque d'être putassier sur nos affiches, quoi, d'être hyper direct, le théâtre, c'est comme les bains des paquis. Une fois qu'on a essayé, on peut plus s'en passer. Ça, on c'est essaie... faux aussi. Hein. Je suis peut-être la seule jeune voix. Non, mais il y a le chocolat. Et vouloir aller toujours au bain des paquis. Deux. Moi, j'y vais jamais. Désolée, on est difficile. C'est interdit aux chiens, donc je peux pas y aller. Si tu veux, voilà. Non, mais c'est. Je pense qu'on essaie vraiment. Notre travail, c'est de démocratiser, puis surtout de casser ces préjugés qui font qu'un nombre incalculable de gens pensent que le théâtre, c'est pas pour eux. Et puis c'est rarement le théâtre qui pense que c'est pas pour eux parce que c'est trop cher, parce que ça c'est pas la barrière, mais c'est qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Il y a des gens qui ont vraiment des préjugés très très simples. Ils pensent qu'il faut être bien habillé pour aller au théâtre, par exemple. Et ça c'est déjà rien que ça, c'est déjà un truc qu'il faudrait détruire, quoi. Ou que le deuxième préjugé le plus important, c'est qu'ils vont rien comprendre. Donc nous on a, enfin c'est peut-être le préjugé le plus important, c'est que les gens ont peur de pas comprendre. Et ça c'est la première peur qu'il faut qu'on réussisse à casser. Déjà c'est pas vrai que tu vas rien comprendre. De toute façon, et deuxièmement, c'est pas grave si tu devais rien comprendre. Puis ce serait pas vrai. Et ça, c'est un travail. Je ne sais pas comment le rendre plus... Souvent, l'expérience la plus simple pour la dépasser, c'est de venir au théâtre. Mais c'est ça le plus difficile. C'est de faire venir des spectateurs pour la première fois. Puis nous, notre grande réussite, c'est que on a effectivement fait fuir beaucoup, beaucoup de spectateurs qui avaient certaines habitudes de regard et certaines habitudes sur les spectacles. Mais par contre, on a fait venir plein de nouveaux spectateurs. Puis ceux-là, c'est pas nos préférés, on adore les spectateurs qui nous suivent depuis des années et tout, mais ceux à qui on a réussi à faire découvrir le théâtre, puis ceux à qui on a réussi à faire découvrir que le théâtre, c'était pas vieux et poussiéreux, puis au 17e siècle, et puis en costume et perruque, et puis parler avec des vers qu'on comprend pas. Ça, pour nous, c'est presque la plus grande réussite de faire pousser la porte à des gens qui reviennent une deuxième fois. Je sais pas, on a fait venir des gens avec des biais suspendus qui venaient jamais au théâtre, qui sortent du spectacle, puis qui disent, est-ce qu'on peut venir voir le deuxième spectacle? Et là, pour nous, c'est la plus grande réussite, puis c'est la chose sur laquelle on travaille, quoi. De permettre à des gens qui pensent que le théâtre n'est pas pour eux de découvrir que si, c'est pour eux aussi. Et puis bon, on doit t'avouer que tu es la deuxième personne d'origine valaisanne à venir à notre micro. Et alors, j'ai c'était Caroline Daillère, la première. Oui. Ah ben, c'est elle et moi, toute façon. Et je t'ai entendu dire que c'était pas facile pour toi de te sentir faire partie de cette famille théâtrale genevoise en tant que valaisan. Est-ce que ça va mieux? Non. Mais ça s'arrange. Tant mieux. Merci beaucoup à Mathieu Berthelet d'avoir été à notre micro des Crépidules. Merci à vous. Et puis nous on vous souhaite déjà joyeuse fin d'année. Oui, ça va être là, ouais. Et puis on sera de retour en janvier avec un podcast live au Festival de films indépendants, le Black Movie. Alors suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir des nouvelles. Et d'ici là, allons au théâtre. Ça, je t'enverra. On verra. Merci. Merci. Ciao. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.